Pour électropop à l'Elysée, à l'Elysée. Il n'en a sûrement pas la capacité. Si c'était nécessaire, vous le sauriez. Tous les actuels bouffons vous l'ont prouvé. Sans aucune compétence, ils sont passés. Au repas du trif, il faut dîner. Et même si vous êtes nul, vous serez adoubé. Par contre, la quenelle, il faudra la bouffer. Plus de sous son patron pour externaliser. Et envoyer vos usines à l'étranger. Pour gagner des méfirs sans participer à la vie du pays qui vous a assuré. L'impôt sur les grandes fortunes a été supprimé. Moins de contrôles fiscaux pour vous laisser magouiller. Les lois qui protègent les salariés sont largement transformées pour pouvoir faire ce que vous vous voulez. Des fortunes colossales continuez d'amasser en exploitant vos employés. Pour vous aider, pour électropop à l'Élysée. Et tout dans son programme pourra changer. Tout ce qui ne s'appelle pas du on sera expulsé. Tout ce qui a moins de 20 ans sera enfermé. Tous les Arabes seront confinés. Programme ne vous plaît pas, dites-le moi. Car je suis prêt à changer n'importe quoi. En ce qui concerne le SMIC, il sera quadruplé. Ce ne sera plus 35 heures, mais 25 heures bien tassées. Tous les salaires seront doublés. 10 semaines de congés payés. Vos patrons n'auront plus le droit de vous licencier. Vos patrons n'auront plus le droit de vous crever.